السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc je m'excuse pour hier. Je n'ai pas eu le temps, hier j'étais occupé, je n'ai pas pu trouver le temps de donner le ders qui était prévu. D'accord. Ala kulli hal, nuwasil inshallah fi qira'atina. Donc les deux derniers hadiths qu'on avait pris étaient celui de Abu Huraira, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a exhorté à ne pas se mettre en colère. Tayyib, qala la taghdab, ne te mets pas en colère. Et celui d'après, c'était le hadith « La yatrulul jannah man kana fi kalbihi miskala zarratin min kibir » que n'entrera pas au paradis celui qui a, ne serait-ce que, le grain d'un atome d'orgueil. Ça veut dire même le minimum avoir d'orgueil, ce minimum peut être préjudiciable. Et on a expliqué le hadith, qu'est-ce qu'il voulait dire. « Wa inna Allah jamil wa yuhibbul jamal » et que Allah est beau, il aime la beauté. Et que l'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. اليوم نخوض الحديث الثالث والسبعين والرابع والسبعين إن شاء الله. Le 73e et 74e. يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وكنعه الله بما أتاه رواه مسلم. Il a dit النبي صلى الله عليه وسلم a certes réussi celui qui s'est soumis, c'est-à-dire qui est musulman, qui a été qui a eu la substance qui lui suffisait et qui est satisfait de ce que Allah lui a donné. Qui est satisfait de ce que Allah Azzawajal lui a donné. Et le hadith est rapporté par Muslim, donc il est authentique. يقول المصنف رحمه الله تعالى حكم صلى الله عليه وسلم بالفلاح لمن جمع هذه ثلاث. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la réussite à celui qui aura réuni ces trois caractéristiques. والفلاح اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب والسلامة من كل مرهوب. Donc c'est quoi le falah, la réussite? C'est un nom d'ensemble pour qui représente l'obtention de toute chose que l'on souhaite et qui est bonne et que l'on aime et d'être épargné de toute chose qui nous nuisent et que l'on déteste. Donc le musulman, c'est quoi sa réussite? C'est vouloir le Jannah. Et c'est quoi la chose qui lui nuit le plus, qui lui fait le plus peur? D'entrer au feu. Ah, c'est la base. يقول وذلك أن هذه الثلاث جمعت بين خير الدين والدنيا. Donc ces trois caractéristiques, elles ont réuni entre le bien de la religion et le bien de ce bas monde. فإن العبد إذا هدي للإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل دينا لا يقبل أو لا يقبل دينا سوى وهو مدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب. Car مثلا le serviteur, si jamais il a été guidé à l'islam, cet islam qui est la religion d'Allah Azza wa Jal, cette religion en dehors de laquelle nul autre n'est accepté. Alors cela, c'est justement le pivot de la victoire et de la réussite et de la sauvegarde du châtiment. C'est l'islam. Sans l'islam, il n'y a pas d'échappatoire. C'est une chose que beaucoup de gens n'ont pas encore assimilé, même parmi les gens de la religion, qui s'imaginent que d'autres personnes qui ne sont pas musulmans également peuvent réussir, auront du bien. On dit s'il n'est pas musulman, il ne réussira pas. Wa qala ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu ou au fil akhirat min al-khasirin, que celui qui prend une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Donc celui qui n'est pas musulman a déjà perdu. Tant qu'il n'est pas musulman. Ça, faut le, il faut que ça soit une chose qui soit ancrée dans le cœur du musulman, du croyant. Que celui qui n'est pas musulman, d'accord, il les voit à sa perte. Après, s'il se soumet avant de mourir, alhamdoulilah, mais s'il meurt en étant kafir et qu'il vit sur le kouf, il est voué à sa perte. Ensuite, il dit « وَحَصَلَ لَهُ الْإِسْقُ الَّذِي يَكْفِيهِ وَيَكُفْ وَجَّهُ عَنِ الْخَلْقِ » Ensuite, ce musulman, il aura obtenu la subsistance qui lui suffit et lui permet de se passer des gens. C'est-à-dire qu'il n'a pas demandé aux gens. ثم تمم الله عليه النعمة بأن قنعه بما أتاه وحصل له الرضا بما أوتي من الرزق والكفاف ولم تح نفسه لما وراء ذلك وقد حصل له حسنة الدنيا والآخرة. Et c'est une personne qui non seulement elle est musulmane, elle est musulmane, c'est un musulman. De plus, il a reçu une subsistance qui lui est suffisante. Et troisièmement, il est satisfait de cela. Il en est satisfait. Il ne cherche pas plus. Ce qu'il a lui convient. Donc lui, il aura eu la hasana dans le bas monde et celle dans l'au-delà. Et celle dans l'au-delà. Car t'as des gens, comme l'auteur va citer, ils ont ce qui leur suffit, en réalité, mais ils veulent toujours plus. Et quand ils n'ont pas ce plus, ils ne sont pas bien. Et ils pensent qu'ils n'ont pas assez, alors qu'ils ont largement assez. Le minimum vital, ils l'ont. Mais eux, comme ils voient les gens qui sont au-dessus d'eux, dans le confort, dans la dunya, ils s'imaginent qu'ils n'ont rien. Alors que ce n'est pas le cas. قال فإن النقص بفوات هذه الأمور الثلاثة أو إحداها. Donc maintenant, c'est quoi le manque dans la vie de la personne? C'est celui qui aura perdu ces trois choses-là ou l'une d'entre elles. Bien sûr, la première, c'est l'islam. Celui qui a perdu l'islam, il a perdu tout le reste. Celui qui a perdu l'islam, il a perdu tout le reste. Lui, c'est la perte totale. Comme on l'a dit tout à l'heure. Quant à celui qui est musulman, لَكِنَّهُ يُبْتَلَى إِمَّا بِفَقْرٍ يُنْسِي أَوْ غِنَى يُخْتِي وَكِلَاهُمَا ضَرَرٌ وَنَقْصٌ كَبِيرٌ. Ou sinon, tu auras quelqu'un qui sera musulman, cependant il sera éprouvé, soit par une pauvreté dure, et lui l'appeler فَقْر يُنْسِي. C'est une pauvreté qui te fait oublier. Elle te fait oublier quoi? Elle te fait oublier... Mais elle te fait oublier Allah, Zawajal. Elle te fait oublier l'istiqama. Une pauvreté qui amène à ce que des gens se comportent très très mal. Ou alors une richesse, justement une richesse, mais qui te fait oublier de remercier. Cette richesse qui te rend orgueilleux, qui te rend hautain. Donc soit tu auras la pauvreté extrême qui te fait oublier ta religion, tant tu es pauvre que tu en arrives à te rebeller et à ne pas agréer ce qui t'a été donné, ou ne pas agréer ce que Allah Azawajal à destiner, ou alors tu n'as pas fait les causes réelles pour obtenir les biens et avoir la baraka qui va avec, ou alors tu as obtenu des biens, tu es riche au-dessus de la moyenne, bien au-dessus, mais cela également t'a rendu orgueilleux. Donc ces deux-là sont un préjudice pour la personne. Yaqul wa imma an yasullahu al-rizq al-kafi muwassa' aw muqaddar lakinnahu la yaqna' bi rizqi Allah azza wa jalla. Donc l'autre personne, c'est celui qui aura, lui, reçu ce qui est suffisant, mais en réalité, il n'en est pas satisfait. Il n'en est pas satisfait, il veut encore plus. Donc lui, il est pauvre du cœur. Lui, il sera pauvre du cœur, celui-là. Il veut toujours plus. Toujours, toujours plus. Et ce plus, à ses yeux, lui paraît comme étant vital. ويقول فإن ليس الغنى عن كثرة الغرض وإنما الغنى غنى القلب فكم من صاحب ثروة وقلب فقير متحسر وكم من فقير ذات اليد وقلب غني راض قانع برزق الله عز وجل. Donc il a dit la vraie richesse en réalité, vous le connaissez, c'est celle du cœur, la satisfaction, d'accord, et non pas la multitude de biens. Car celui qui est riche de son cœur, Quelle que soit la situation qu'il aura, il sera satisfait. Mais il trouvera une issue positive. Il restera positif. Et tu en as d'autres, ils sont pauvres du cœur. Même si tu leur donnes des richesses inestimables et indénombrables de choses de la dunya, ils sont toujours insatisfaits. Donc, l'insatisfait, une personne qui se plaint énormément. Et celui qui ne voit pas ce qu'il possède comme bien, eh ben, il devient ingrat envers ce qu'Allah Azzawajal lui a donné. Ce qu'Allah lui donne, ça ne lui convient pas, il ne veut pas ça. Il veut autre chose. Ou il veut plus. Et ça, on le trouve également dans le mariage. Beaucoup dans le mariage. Chez des hommes et chez des femmes. Ils ont un époux qui, à la base, convient. Un époux, une épouse qui convient de base pour la religion, mais ils veulent autre chose. Pour des choses qui sont secondaires. Le mari, il n'a pas assez d'argent. Il n'a pas un assez bon salaire. Il n'a pas un assez bon poste. Ou le mari, il a tel et tel défaut. Et la femme, pareil, il va voir une femme, non, elle n'est pas assez belle, elle n'est pas assez ceci, elle n'est pas assez cela, elle ne cuisine pas assez bien. D'accord ? Ou ceci et cela, alors qu'à la base, une femme, elle est droite et pieuse. Donc, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut autre chose. Quand on dit « veut autre chose », c'est il ne veut plus d'elle et il veut autre chose. À main, il peut rester avec sa femme et vouloir plus par la polygamie. Il a le droit. Je ne parle pas de cela. Je parle de ceux qui ont une femme. D'accord ? La femme, elle est correcte. Elle a le minimum correct religieux. Mais lui, n'en veut plus pour des raisons qui, en réalité, sont futiles et il en veut une autre. Chez laquelle il va penser qu'il va trouver mieux. D'accord ? Souvent, c'est les critères de beauté. Souvent, c'est ça, c'est la beauté. Malheureusement, à cause de tout ce qu'on vous met devant les yeux à longueur de temps, dans les rues, sur les affiches, comment les femmes s'habillent et autres, eh ben, les cœurs ont été par cela corrompus et les gens n'ont plus les critères de beauté raisonnables, ils en veulent trop. Ils en veulent trop, ils veulent que leur femme soit comme une telle ou une telle ou une telle. Ou qu'elle rentre dans le modèle de une telle, une telle, une telle. Alors que sa femme, elle vaut peut-être 1000 fois mieux que ces femmes que lui, il convoite, dont il convoite le physique. Et ça amène à des catastrophes dans les couples. Et ceux qui en pâtissent le plus, ce sont les enfants, quand il y a des enfants. Les enfants sont ceux, vraiment les victimes des couples qui se séparent pour des raisons qui ne sont pas vraiment raisonnables. Malheureusement. Du côté de l'homme, comme du côté de la femme. Alors que celui qui se satisfait de ce qu'Allah lui a donné, que ce soit comme un risque, le mariage rentre dedans. L'épouse, c'est un risque. Et l'époux, c'est un risque. C'est une chose qui t'apporte un profit en ce bas monde. C'est un risque. Celui qui arrive à voir, se contenter de ce qu'il a, parce qu'il y trouve on va dire, l'objectif de base, il est présent, il en est satisfait, et ben, alhamdoulilah, il aura une vie qui sera bien plus légère que bien d'autres personnes qui sont, eux, tout le temps à la recherche de ce qui n'est pas à leur portée, de ce qu'ils n'auront pas, ou de ce qu'ils imaginent qui est meilleur pour eux, qui en réalité peut-être leur portera préjudice par la suite. Ils peuvent l'avoir, mais quand ils l'auront, ça va leur nuire. Ils ne s'en rendent pas compte. Jusqu'à ce que, comme on dit, « yaqor al-fas al-ras », comme disent les Arabes, jusqu'à ce que la hache tombe sur la tête. Là, il est trop tard, à ce moment-là. Là, il est trop tard. Quand le coup de hache, il tombe sur la tête, c'est trop tard. Malheureusement. Donc, ce hadith nous apprend déjà à être heureux d'être musulmans. « Wa la tamutunna illa wa antum muslimun » et ne mourir qu'en étant en pleine soumission. Donc le musulman, il doit être heureux de sa religion et ne pas la voir comme certains ils le voient comme étant un fardeau. Depuis que je suis musulman, j'ai que des problèmes, l'islam me pose que des problèmes, personne ne m'aime et ainsi de suite. Lui, il n'a pas compris celui-là. Il n'a pas compris justement que c'est cette religion qui l'élève et qui sera éprouvée par cette religion car il fait partie des gens de la vérité. Donc ne pas voir l'islam comme une punition, un châtiment ou un fardeau, jamais de la vie. C'est le plus grand don qu'Allah puisse t'accorder, c'est l'islam. Ça vaut la dunya, tout ce qu'il y a sur la dunya. Car sans l'islam, tu n'entreras pas au Jannah. Et à la fin de ta vie, tu vois la perte. Deuxième chose, que cette personne ait la substance qui lui suffise. C'est-à-dire le repas de chaque jour, des vêtements pour couvrir sa nudité, et un toit sur lequel être abrité. Et ça, le minimum. Les vêtements, c'est pas obligé d'avoir des vêtements de marque et des vêtements de qualité ou quoi, non. Et la maison, c'est pas la peine d'avoir un palace, ou d'avoir une villa ou autre, non. Après, plus la maison, elle est confortable et large, mieux c'est, bien sûr, parce que parmi les choses de ce bas monde qui sont agréables, l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une monture confortable, donc ce serait une voiture correcte, ici, à notre époque, une maison large, une grande maison, et une femme pieuse. Ce sont les trois choses dans la dunya qu'un homme, ce sont les trois meilleurs points de dunya qu'un homme puisse obtenir. Cependant, est-ce que cela veut dire que s'il n'a pas ces trois choses-là, il n'a pas ce qui lui est indispensable? Non. Il peut avoir une voiture qui ne marche pas bien, mais il a quand même une voiture, alhamdoulilah. Il peut avoir une maison qui n'est pas très grande, mais elle suffit pour l'abriter lui, ainsi que sa famille. Et il peut avoir une femme, malheureusement, qui n'est pas si droite que cela, et là, il lui revient, il a le droit de pouvoir changer. D'accord? Il peut changer, si jamais cela ne lui convient pas. Mais on parle dans les critères raisonnables, pas les critères futiles. Vous voyez? Pas les critères futiles. Donc, être heureux de l'islam qu'Allah Azzawajal nous a accordé, être heureux de ce qu'Allah nous a accordé comme subsistance en ce bas monde, et s'en satisfaire, et ne pas chercher en vouloir plus au détriment de la religion, ou au détriment de, du remerciement. Au détriment du remerciement. Non. Thumma nakhuz al-hadith arabi wa sab'in. 74e hadith. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عزني وأوجز فقال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تختذره منه غدا واجمع اليأس مما في أيدي الناس رواه أحمد. Donc selon ce sahabi, Abu Ayyub al-Ansari, qui est d'ailleurs le sahabi, le premier qui a accueilli le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque celui-ci est arrivé de la Hijra à Al-Madinah, c'est le premier qui l'a hébergé chez lui. C'est Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu. Il a dit qu'un homme s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô messager d'Allah, exhorte-moi et sois concis. » Ça veut dire une exhortation pleine de sens mais courte en paroles. Il lui a dit « Si jamais tu fais la salat, alors fais la salat d'adieu. » C'est-à-dire comme si tu allais mourir. Comme si c'était ta dernière salat. Ne parle pas d'une parole par laquelle tu auras besoin de t'excuser demain. Et ne désespère, on va dire, désespère de ce que les gens possèdent. C'est-à-dire le fait que tu n'aies pas espoir d'obtenir de ce que les gens possèdent. Des biens des gens. Donc ce hadith, à Wallen, il faut savoir que il n'a pas été authentifié. Il n'a pas été authentifié. Mais quoi qu'il en soit, les sens qu'il renferme, eux, sont affirmés par d'autres adillahs. Par d'autres adillahs, donc le sens reste correct. Le sens du hadith reste correct. Donc ces trois exhortations sont d'une importance capitale. Yaqul fal wasiyya al-ula tatadamman takmil as-salah والاجتهاد في إيقاعها على أحسن الأحوال وذلك أن يحاسب نفسه على كل صلاة يصليها أن سيتم جميع ما فيها من واجب وفرض وسنة. Donc la première exhortation qu'il a faite, c'est celle de la salat, de la faire correctement et de fournir les efforts pour la parfaire. Si la personne se dit que après cette salat là il va mourir, sachez qu'il va faire la meilleure des salates. On lui dit, après cette salate-là, tu n'as plus d'actes que tu peux faire en islam. Tu vas mourir, par exemple, tu vas partir. Ben, sachez que la personne va faire la salate la meilleure de sa vie. Comme il n'en a jamais fait auparavant. Il va tout accomplir comme pilier, avec quiétude, avec concentration, avec humilité, ainsi que les obligations, ainsi que toutes les sunnans. Tout ce qu'il pourra dire comme sunnah, il va le dire. Toute invocation qu'il pourra dire, il va tout dire. Même si la salat va durer je ne sais combien de temps, il va la faire, il va la parfaire. Et son cœur sera présent. Car on a trop tendance maintenant, quand on fait la salat, tellement on est habitué, on fait salat de façon corporelle, mais intérieurement c'est vide. On n'est pas là. La tête n'est pas là. La tête, elle est dans les problèmes qu'on a dans la dunya, dans les enfants, la famille, l'argent, le salaire, je ne sais quoi. Mais la tête n'est pas, l'esprit n'est pas tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en pardonne. Tellement c'est devenu habitué de faire la salat, c'est devenu une habitude. Malheureusement. Et bien celui qui fait la salat comme celui qui va mourir, il sera dans sa salat pleinement, corporellement et spirituellement. Il y sera totalement investi. Il sera totalement investi dans la salat. Donc, à la base, on est censé faire la salat comme ça à chaque fois. D'accord ? Et comme le dit l'auteur, c'est cette salat-là qui rentre dans le verset. Il dit, enfin, je vais lire directement. Wa salat ala hadal wajh tanha sahibaha an kulli khuluqin radhil wa tahuthu ala kulli khuluqin jamil lima tu'athiruhu min ziyarat al-iman wa nur al-qalb wa sururihi wa rahbati at-tama fil khayr. Donc cette salat, si elle accomplit comme cela, justement, elle fera que celui qui l'accomplit ne tombera pas dans les bassesses, dans les mauvaises mœurs, dans les mauvais comportements. Car cette salat tellement sera parfaite qu'elle va amener à augmenter sa foi. D'accord ? Et à rendre le cœur plein de joie. Et il n'aura que de la convoitise, il n'aura de la convoitise que dans le bien. Donc les gens qui font bien la salat sont les gens les plus droits en général. Ceux qui font mal la salat sont les gens qui ne sont pas droits. On le répète souvent le verset, comme encore Allah Ta'ala, « Inna salat tanaha anil farsha wal munkar » que la salat empêche les turpitudes et le mal. Donc quand on se regarde nous-mêmes, on se dit « Je fais la salat tous les jours, alhamdoulilah. À l'heure, alhamdoulilah. En jamais si possible, alhamdoulilah. Mais pourtant, je fais beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que la salat, elle n'est pas accomplie correctement. Il manque des choses. On voit plein de petits jeunes aujourd'hui, font la salat, on les voit au masjid, machallah, on est content de les voir. Mais quand ils sortent du masjid, le comportement, c'est pas ça. L'apparence, c'est pas ça. D'accord ? Car la salat, elle n'est pas si accomplie comme il faut. Déjà, rien que la tenue qu'ils ont pour faire la salat, elle n'est pas bonne. En pantalon, souvent pantalon serré, dans les mousbils, sous les chevilles, ainsi de suite. Déjà, ça, c'est un mauvais point dans la salat. C'est un mauvais point dans la salat. Et ça, ils ne donnent pas assez d'importance. D'accord ? Al-Muhim, donc cette première exhortation, c'est de faire une salat comme la salat d'adieu. Et cette salat, c'est celle qui va atteindre le niveau de l'irsan, l'excellence. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Que tu adores Allah comme si tu le voyais, si jamais tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Donc celui qui atteint ce stade-là, c'est le stade le plus haut de la religion. C'est l'irsan. Donc celui qui fait une salat comme l'a indiqué le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais que le hadith n'est pas authentique, mais qu'il accomplit de façon comme si il allait mourir, et bien qu'il sache que ça, c'est le niveau de l'excellence. Non. Ensuite, il dit, « وَمَّ الْوَصِيَ ثَانِيَ » Donc, deuxième exhortation. « فَيَّ حِفْظُ اللِّسَانِ وَمُرَاكِبَتُهُ فَيْنَ حِفْظَ اللِّسَانِ عَلِيَ الْمَدَارِ وَهُوَ مِلَاكِ أَمْرِ الْعَبْدِ فَمَتَ مَلَكَ الْعَبْدُ لِسَانَهُ مَلَكَ جَمِيعَ أَعْدَائِهِ وَمَتَ مَلَكَ لِسَانَهُ فَلَمْ يَسُنُهُ عَنِ الْكَلَامِ الظَّارِ. Donc, deuxième exhortation, c'est de tenir sa langue, de ne pas avoir à dire des paroles qui feront que demain, tu as besoin de t'excuser. Donc, de tenir la langue. Attention à ce qu'on dit. Combien de gens semblent à parler là où ils n'ont pas à parler, et après, le lendemain, ils doivent s'excuser d'avoir dit une erreur. Ainsi de suite. Soit en ayant propagé une parole fausse, soit en ayant parlé sur des gens mensongèrement, ou soit en ayant dit des paroles nuisibles du fait qu'ils auraient parlé avec ignorance, et autres. Donc attention à ce que tu dis. Et cela revient un petit peu à une expression que les koufars disent souvent, et qui coïncide avec, qui est de conformité avec la religion, pas dans l'action mais dans le fond, qui est « tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler ». Pourquoi ? Ça t'amène à réfléchir, qu'est-ce que tu vas dire ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Je me rappelle, j'avais vu, il y a longtemps, j'étais pas encore musulman, il me semble, ou peut-être au début de l'islam, j'avais vu un reportage à la télévision, à l'époque où je regardais encore la télévision, ça parlait des Touaregs, ou je ne sais plus, des tribus arabes qu'ils ont dans le désert, et qui mettaient leur turban sur toute la tête, elle était embaumée, à part les yeux, par rapport au sable, par rapport à plein de choses, d'accord ? Ils étaient couverts, habillés de façon traditionnelle. Et ils étaient interrogés sur cette façon d'être habillé, malgré la chaleur et autres. Ils expliquaient que justement être couvert comme ça, ça protège de la chaleur, d'une part. Ils ont cité plusieurs choses, et une qui m'avait marqué à l'époque, ils avaient dit, et en plus, être habillé de la sorte, ça nous préserve de parler inutilement. Car quand on doit parler, on doit défaire le turban, c'est-à-dire faire tourner, Et le temps qu'on fasse ça, on réfléchit à qu'est-ce qu'on va dire. Donc on ne défait le turban que pour dire une chose qui est importante, qui en vaut la peine. Donc ils ont dit, ça évite de parler pour rien. Car ça fait plein de manipulation, donc si on les fait, c'est pas pour rien. Pas pour dire une bêtise ou une blague qui sert à rien, ou encore pire, dire du mal. Vous voyez ? Donc les gens sages savent qu'ils doivent peu parler. Et le peu qu'ils disent doit être correct. Ce qui revient au hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand elle est, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أم ليسموت. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc le hadith que vous connaissez tous confirme cette exhortation dans ce hadith qui lui a été affaibli. Ça va ensemble. Donc ne dis pas une parole qui t'amènera à ce que demain tu aies besoin de t'excuser. Après, personne n'est infaillible. Ça nous arrivait tous de dire des paroles qui après on a regretté ou qui n'étaient pas bonnes à dire. D'accord ? Mais on prend le son de nos erreurs pour s'améliorer et évoluer et aller de l'avant. Il faut éviter que ça se répète. On a pris le hadith il n'y a pas longtemps que le musulman ne se fait pas mordre deux fois dans un même terrier. Bah ça revient à ça. Attention à ce que tu dis. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont exposés à dire tout ce qu'ils veulent avec les réseaux sociaux. Tout le monde parle. Tout le monde parle. Et la plupart des gens ils disent n'importe quoi. Voilà, quand on lit des fois les commentaires, ou la parole de base, elle est nulle. Et les commentaires, c'est pire encore. Au lieu que des gens disent arrête de dire n'importe quoi, ils sont très peu, les gens ils disent n'importe quoi. C'est du n'importe quoi sur du n'importe quoi. Et ils sont fiers de quand tu leur dis qu'ils ont dit des bêtises, ils s'enflent d'orgueil, ils acceptent pas, ils rentrent dans des polémiques. C'est une catastrophe, voilà, c'est une catastrophe ces réseaux sociaux. C'est donner la parole à des gens qui ne la méritent pas. Malheureusement. Donc faire attention à cela quand on s'exprime en public, de peser les mots, de faire attention à ce qu'on dit. Toujours. Et si tu vois que cette parole-là peut ramener un mal ou quoi, ne le dis pas. Mais par contre, que cela n'empêche pas de dire le haq quand il faut le dire. Des fois, le haq, faut le dire. Et ce haq, s'il n'y a que toi qui peux le dire, d'accord ? Et que ta parole, elle aura un impact où il y en a besoin, alors dis-le. Sans quoi, si on se passe de toi que tu n'as pas besoin de le dire ou quoi, garde le silence, c'est mieux. C'est mieux, tu te préserves dans ton honneur et dans ta religion. ثم قال وما الوصية الثالثة troisième exhortation فهي التوتين النفس عن تعلق بالله وحده. C'est le fait d'habituer l'âme à ne s'accrocher que à Allah subhanahu wa ta'ala. في أمور معاشه ومعاده. C'est-à-dire que, comme il a dit, toi, tu ne dois pas avoir espoir dans ce qu'il y a dans les mains des gens. Dans quel sens? Que tu attends ce que les gens te donnent. Ce qui va t'amener à te rabaisser, à t'humilier. D'accord? Maintenant, ce hadith-là ne veut pas dire que tu ne peux pas, des fois quand tu as un besoin, demander qu'on t'aide. Par exemple, une dette ou autre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même a déjà pris des dettes, les sahabas prenaient des dettes. Et le verset le plus long dans le Coran, c'est le verset de la dette. Donc c'est une chose qui est légiférée, c'est une facilité. Ça ne parle pas de cela, là ça parle de quelqu'un qui convoite le bien des gens. D'accord ? Qui veut vivre sur le compte des gens, sur le dos des gens, qu'on lui donne. Tout le temps. C'est un tamar, comme on appelle. Et quand on ne le donne pas, il n'est pas content. D'accord ? Il veut profiter du bien des gens. Donc ce hadith, cette partie du hadith, t'appelle à devoir t'accrocher à Allah Azzawajal seul. N'espérer que de lui, ne demander que à lui. Et ça, c'est dans d'autres hadiths qui ont été confirmés. Dans le hadith de Abbas, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Wa iza sa'alta fas'alillah » Si jamais tu demandes, ne demande que à Allah Azzawajal. D'accord ? Dans tes doras, dans tes actions et autres, tu n'espères que de lui. Après, Allah Azzawajal fait qu'il y a des causes qui vont venir peut-être par le biais des gens. D'accord ? Là où tu t'y attends pas. Mais toi, ce n'est pas que tu traînes ou tu fréquentes des gens qui ont de l'argent en espérant qu'ils te donnent. Juste pour ça. Par exemple. Ou tu fasses des actions pour recevoir en retour de la part des gens. Kazalik. Tayyib. Amma, demain, tu as un besoin, tu as besoin d'un frère t'avance ou tu as besoin d'une chose matérielle qui te prête quelque chose ou quoi, ça rentre pas dans le hadith, ça. D'accord ? Et également, on dit aux gens, pour ne pas que des gens, justement, leur éviter de tomber dans ce genre de situation, vous prenez les devants. Les gens qui sont à l'aise, qui ont des moyens, aidez vos frères et vos sœurs dont vous savez qu'ils sont démunis. Aidez-les. Aidez-les, justement, pour ne pas que ce sentiment rentre en eux. Vous devancez et aidez-les. Il n'y a aucune perte à donner et à s'entraider dans le bien avec les gens. D'accord ? Tant que ça reste dans le halal et dans le convenable. Et la religion, on appelle à ça, de s'entraider entre nous. L'entraide, c'est une chose qui rapporte énormément pour celui qui a une bonne niya. Même s'il fait peu. Ne jamais négliger le bien que tu vas faire. Ne dis pas, ouais, j'ai rien fait ou c'est pas beaucoup. Tu sais pas, pour toi, ça peut être beaucoup. Et pour cette personne-là qui est démunie, ça peut être beaucoup également. Tu ne t'en rends pas compte. Taïeb, va comme encore l'état à Allah, wa ta'awanu ala albir wa taqwa. Et entraînez-vous dans le bien, dans la piété et l'obéissance. Non. Donc voilà ce qu'on a pris de ce hadith aujourd'hui, de ces deux hadiths aujourd'hui, qui amènent à adopter de nobles comportements. De faire la salat comme c'était la dernière, donc on va la parfaire. De ne parler qu'en bien pour ne pas avoir besoin de s'excuser par la suite en public surtout. Et ça, ça concerne les gens qui parlent sur les réseaux. Et t'en as, c'est pire, c'est même pas ils s'excusent, c'est ils se faufilent. T'en as, ils s'enflent d'orgueil, ils veulent pas accepter qu'ils aient tort, parce qu'ils ont parlé en public, donc ça fait mal au nefs de dire oui j'ai eu tort, parce que t'en as, ils ont de l'orgueil, ils aiment pas admettre leur tort, et encore moins en public. Et t'en as d'autres, ils vont écrire une parole sur un post sur un réseau, soit un tweet, soit sur Insta, ou soit je ne sais où, et quand les gens vont leur montrer leur erreur, ils vont supprimer, mais sans rien dire. Discrètement comme ça. Mais c'est pas comme ça, mon frère. Ils lazine tabou wa aslahu wa bayyinu. Hormis ceux qui sont repentis, qui auront déclaré, qui ont réparé. Donc t'as fait une erreur, tu la répares. C'est pas tu te sauves. Te sauver, ça va empirer ton cas. Ça va empirer ton cas, justement, de te sauver. Donc toi, t'as fait une erreur, reviens à Allah Azzawajal, demande pardon et fais tauba. D'accord ? C'est la meilleure chose à faire. Mais ce hadith vient pour anticiper que tu n'es pas en arrivé là, en fait. C'est tout. Mais si jamais tu devais en arriver là, ne te sauve pas et accepte la vérité et reconnais ton erreur. Et tu n'en feras que Allah Azzawajal va te relever la tête. Même si c'est amer au goût, sache que le bien est là-dedans, dans la tauba. Et Allah, il aime la tauba. Et la troisième partie du hadith qui est de ne pas chercher à obtenir ce que les gens possèdent. Ce qu'on appelle justement l'iffa, la retenue, ou zuhd, l'ascétisme, qui va de connivence avec le hadith qu'on a pris précédemment. D'accord ? Donc voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et prochain rendez-vous, Biznillah Ta'ala, sera mardi pour le Arba'in Nawawiyah, pour ceux qui suivent ce ders, qui lui, se fait en présence de frères. Fa ila huna, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.